Christianisme. Le christianisme, je le sais, a eu ses guerres de religion, et les flammes en ont été souvent funestes aux sociétés. Cela prouve qu'il n'y a rien de si bon dont la malignité humaine ne puisse abuser. Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre. Mais c'est le vice des particuliers, et non du christianisme, qui par sa nature est également éloigné des fureurs outrées du fanatisme et des craintes imbéciles de la superstition. La religion rend le païen superstitieux et le mahométan fanatique. Leur culte les conduisait là, naturellement. Mais lorsque le chrétien s'abandonne à l'un ou l'autre de ces deux excès, dès lors il agit contre ce que lui prescrit sa religion. En ne voyant rien que ce qui lui est proposé par l'autorité la plus respectable qui soit sur la terre, je veux dire l'Église catholique, il n'a point à craindre que la superstition vienne remplir son esprit de préjugés et d'erreurs. Elle est le partage des esprits faibles et imbéciles, et non de cette société d'hommes qui, perpétuée depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, a transmis dans tous les âges la révélation dont elle est la fidèle dépositaire. En se conformant aux maximes d'une religion toute sainte et toute ennemie de la cruauté, d'une religion qui s'est accrue par le sang de ses martyrs, d'une religion enfin qui n'affecte ni les esprits et les cœurs d'autre triomphe que celui de la vérité, qu'elle est bien loin de faire recevoir par les supplices, il ne sera ni fanatique, ni enthousiaste, il ne portera point dans sa patrie le fer et la flamme, et il ne prendra point le couteau sur l'autel pour faire des victimes de ceux qui refuseront de penser comme lui. Vous me direz peut-être que le meilleur remède contre le fanatisme et la superstition serait de s'en tenir à une religion qui, prescrivant au cœur une morale pure, ne commanderait point à l'esprit une créance aveugle des dogmes qu'il ne comprend pas. Les voiles mystérieux qui les enveloppent ne sont propres, dites-vous, qu'à faire des fanatiques et des enthousiastes. Mais raisonner ainsi, si bien peut connaître la nature humaine. Un culte révélé est nécessaire aux hommes. C'est le seul frein qui les puisse arrêter. La plupart des hommes, que la seule raison guiderait, feraient des efforts impuissants pour se convaincre des dogmes dont la créance est absolument essentielle à la conservation des États. Les législateurs, les fondateurs d'États, les instituteurs de religion, pour entraîner les esprits et les plier à leurs desseins politiques, mettaient entre eux et le peuple le Dieu qui leur avait parlé. Ils avaient eu des visions nocturnes ou des avertissements divins. Le ton impérieux des oracles se faisait sentir dans les discours vifs et impétueux qu'ils prononçaient dans la chaleur de l'enthousiasme. C'est en revêtant cet extérieur imposant, c'est en tombant dans ces convulsions surprenantes, regardées par le peuple comme l'effet d'un pouvoir surnaturel, c'est en lui représentant l'appât d'un songe ridicule que l'imposteur de la Mecque osa tenter la foi des crédules humains et qu'il éblouit les esprits qu'il avait su charmer en excitant leur admiration et captivant leur confiance. Les esprits, fascinés par le charme vainqueur de son éloquence, ne virent plus dans ce hardi et sublime imposteur qu'un prophète qui agissait, parlait, punissait ou pardonnait en Dieu. À Dieu ne plaise que je confonde les révélations dont se justifie à si juste titre le christianisme avec celles que vantent avec ostentation les autres religions. Je veux seulement insinuer par là qu'on ne réussit à échauffer les esprits qu'en faisant parler le Dieu dont on se dit l'envoyer, soit qu'il ait véritablement parlé, comme dans le christianisme et le judaïsme, soit que l'imposture le fasse parler, comme dans le paganisme et le mahométisme. Or, il ne parle point par la voix du philosophe déiste. Une religion ne peut donc être utile qu'à titre de religion révélée.